FrenchPod.com. Vous hésitez? Vous voulez peut-être goûter? Oui, je veux bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un fromage un peu fort. Essayez ce comté, alors. Il est bon, mais vous avez quelque chose d'un peu moins doux?